Web Musique, vous êtes en compagnie de Simon Roy pour la prochaine heure. Ce soir, j'ai plein de bonne musique, ben, comme à l'habitude. J'ai de la musique plutôt relaxante, qui porte à la réflexion, on va dire. J'ai un peu de dubstep, de hip-hop instrumental, j'ai du techno-minimal à saveur assez sombre pour finir ça. Donc, toutes sortes de bonnes musiques ce soir. Si ça vous intéresse, ben, vous avez la playlist qui se trouve sur le site de l'émission. Vous pouvez consulter la playlist donc au www.webmusique.org. Donc, vous pouvez aussi télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Donc, vous retrouvez tout ça sur le site de l'émission. On va débuter avec un artiste que je suis quand même depuis un petit bout de temps, qui s'appelle Wings of an Angel. C'est un artiste qui vient d'Israël. Un type qui donne la musique, comment je pourrais dire, quasi spirituelle. Musique toujours très intéressante, très profonde. Wings of an Angel, donc je vous fais passer sa pièce « I eardrum with my soul's ear coming from the depth ». Il adore aussi les titres qui sont assez longs. Ça, c'est publié sur Paralucid, Netlabel, que je viens de découvrir, ça fait pas très longtemps. Ensuite de ça, sur Breath Compilation, je vous fais entendre Horizo avec sa pièce « Catherine ». Vous allez voir, c'est excellent. Donc, on débute tout de suite Web Music avec « Wings of an Angel ». It is time to set out from this world, set out from this world, set out from this world, set out from this world, set out from this world, set out from this world. I hear a drum, my soul's ear, coming from the depths of the star, the depths of the star, the depths of the star, the depths of the Thank you.

Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. On vient tout juste d'entendre un artiste polonais du nom de Orizo, un artiste autodidacte donc qui était plutôt dans l'électronique, puis il s'est mis à acheter une trompette, donc d'autres instruments, puis c'est ça, il a appris à jouer un peu de jazz, mélanger ça avec des trucs électroniques, donc quelque chose d'assez unique dans son cas. Donc c'était ça, c'était sa pièce Catherine. Ça, c'était publié sur l'excellent netlabel Breath Compilation, un netlabel qui vient du Mexique, je crois. Avant ça, bon, on avait débuté l'émission avec un artiste israélien du nom de Wings of an Angel. Sa pièce s'appelle A Eardrum with My Soul's Ear Coming from the Depth. Ça, c'était publié sur Paralucide. On poursuit l'émission avec des artistes qui sont sur l'excellent label Dusted Wax Kingdom, un net label qui vient de Varna en Bulgarie. Je les adore à toutes les fois qu'ils ont un nouvel album. Je vous les fais passer à l'émission. C'est vraiment du matériel de qualité à toutes les fois. Donc, on va entendre, c'est une association entre deux artistes, LR60, un artiste de la ville de Lewisville au Texas, et Mr. Moods, donc un artiste qui vient de la ville de Laval en banlieue de Montréal. La pièce s'appelle Mirage Part 2. Vous allez voir, c'est excellent. Ensuite de ça, un artiste de l'Allemagne qui s'appelle Impulse. Je vous fais passer sa pièce Sushi à la Bangalore. Ça aussi, une excellente pièce. Donc, pour tout de suite, à Web Music, on écoute LR60 and Mr. Moods. Thank you. De 6h à 7h, réveillez-vous en français au 89.1. En français d'abord, c'est un voyage au cœur de la musique francophone. Se lever du bon pied, c'est un fait français à CKRL. Musique. Donc, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy encore pour la prochaine demi-heure. Tout juste avant la pause, on entendait un artiste allemand du nom de Impulse avec sa pièce Sushi à la Bangalore. C'était publié sur Dusted Wax Kingdom, également sur la même étiquette. Avant ça, c'était LR60 and Mr. Moods avec leur pièce Mirage Part 2. Donc, LR60, un artiste de Lewisville au Texas, et Mr. Moods, un artiste de la ville de Laval, en banlieue de Montréal. Les deux artistes publiés sur une étiquette bulgare. Donc, vous voyez le monde du net audio. C'est rempli de collaborations quand même assez étonnantes. C'est ça que j'aime du monde de net audio. C'est toujours très intéressant, les influences, toutes les aussi les rencontres humaines donc entre les différentes personnes pour réussir à collaborer sur des projets. Souvent, c'est des artistes qui se voient, qui se verront jamais de leur vie, mais qui vont collaborer grâce à Internet. Donc, un mouvement que je trouve toujours très intéressant. Donc, on va poursuivre avec un artiste allemand du nom de Sebastian Eda, qui, avec sa pièce Disconnected, s'est publié sur Aldente Records, un netlabel qui vient de La Rochelle, en France. Ensuite de ça, sur un netlabel qui vient de la ville d'Istanbul, en Turquie. Le netlabel s'appelle Sublime Porte. Je vous fais passer un duo italien, donc, qui vient de la Sardaigne, la ville de Cagliari. Il s'agit de Mr. Biz. Donc, ses deux frères, leur nom de famille, c'est Fabrizio. Donc, vraiment à suivre. La pièce s'appelle Dark Moon, c'est remixé par Aventepi, un artiste turc. Donc on écoute tout de suite Sebastian Eda. Thank you. We'll be right back. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. Donc, il s'agissait de Mr. Biz. Ça, c'est un duo italien. C'est les frères Fabrizio qui viennent de la ville de Cagliari, en Sardaigne. Donc, la pièce s'appelle Dark Moon. C'était remixé par Avantepi, un Turc. C'était publié sur Sublime Port, un netlabel qui vient de la ville d'Istanbul, en Turquie. Avant ça, c'était un Allemand du nom de Sebastian Eda avec sa pièce Disconnected. Ça, c'était publié sur Aldente Records, qui nous vient de La Rochelle, en France. On va poursuivre avec un artiste qui s'appelle Baby Sita. J'ai absolument aucune information à propos de cet artiste-là. Si jamais vous avez plus d'informations, ben, n'hésitez pas à me contacter. Je vais modifier sur la page de l'émission. Donc, la pièce s'appelle Step Your Mind. C'est publié sur la compilation Enough Dubs No. 2. C'est donc sur Enough Records, qui nous vient du Portugal. Un netlabel extrêmement prolifique. Je crois qu'ils ont plus de 270 albums de publiés. Donc, c'est absolument sûr qu'il y a quelque chose dans ce netlabel-là pour tout le monde. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour. C'est ça, on va écouter cette pièce-là, puis je vous reviens tout de suite après. On écoute Baby Sita avec sa pièce Step Your Mind. C'était Babysitter avec sa pièce Step Your Mind. C'était sur la compilation Enough Dubs No. 2, publiée sur Enough Records, un netlabel qui vient du Portugal. Donc, ça va déjà être tout pour Web Music. Je vous invite à visiter la page de l'émission qui est au www.webmusic.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, venez faire un petit tour, télécharger les pièces que vous entendez, partager les pièces avec vos amis, votre famille, vos collègues de travail. Puis, si vous êtes un artiste, vous pouvez aussi remixer ces pièces-là à condition de les republier sous la même licence Creative Commons. Donc, venez faire un tour. J'ai vraiment énormément de musique gratuite à télécharger pour vous. On va se laisser sur une dernière pièce d'un duo grec du nom de Trigger Finger. La pièce s'appelle Post Galactic Trip. C'est publié sur Miniatura Records, un netlabel qui vient de l'Argentine. Donc, c'est ça, je vais être absent la semaine prochaine. Je m'en vais faire un petit tour à Montréal, voir un excellent show de Boris et de... mon Dieu, c'est quoi les autres? Je me souviens plus. Donc, c'est ça, je ne serai pas là la semaine prochaine. Je vais être de retour l'autre semaine d'après. Puis, d'ici là, je vous souhaite de passer du bon temps à l'antenne de CKRL. Bonne nuit. Thank you. Ici Raymond Poirier. Lundi, dans l'émission Avant 9h, tout est possible. On vous parle de l'épreuve cycliste des 24 heures du lac Beauport. Aussi, regard sur le bivouac urbain qui s'en vient très bientôt. La chronique environnement de Mélanie Jean et un regard sur le palmarès de CKRL. Tout ça et plus lundi dès 7h à l'antenne de votre radio culturelle. Vous écoutez CKRL, la radio culturelle au 89,1.